descendre de l'hôtel où j'en ai ramené. Dans sa tête, il fait encore la bande. Il entend les masques lourds chanter. Il est si bien qu'il ne veut plus descendre. Thank you.